La radio sud-coréenne KBS fait savoir que les autorités militaires sud-coréennes envisagent de livrer les manœuvres d'envergure pendant 2 jours à partir du 24 dans la région de la province du Gangwon de Corée du Sud à l'occasion du 25 juin, jour du déclenchement de la guerre de Corée. Toutes les troupes sud-coréennes stationnées dans cette province effectueront les tirs réels des canons et des armes à feu individuelles et d'autres exercices.